Donne-moi le temps et je sais que tu changeras d'avis. Un jour viendra où un grand mot sera écrit. Un jour tu changeras d'avis. Tu changeras de vie un jour.